Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Il paraît qu'il faut que je fasse un nu. Eh bien, je vais leur en faire un nu. C'est avec ces mots que le peintre Édouard Manet se lance au travail pour réaliser son fameux déjeuner sur l'herbe. Dans la nature, près de l'eau, deux jeunes gens sont assis, habillés, en face d'une femme nue qui se sèche au grand air. Scandale ! On crie à la pornographie, oubliant que le Louvre est rempli de tableaux antiques de toutes époques où, sous les prétextes les plus divers, le nu s'exhibe à profusion. Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n'est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d'une délicatesse si légère. C'est cette chair ferme, modelée à grands pans de lumière, ces étoffes souples et fortes, et surtout, cette délicieuse silhouette de femme en chemise, qui fait, dans le fond, une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes. Émile Zola, 1867. Il s'agit cette fois d'une scène contemporaine, sans la distance des codes antiques. Exposée au salon officiel dans le Palais de l'Industrie, cette œuvre apparaît comme une provocation. Un jury sélectionne des tableaux pour les achats de l'État pour le musée du Luxembourg et assure aussi la fortune et la notoriété des artistes. Avec Manet, 1500 autres peintres sont refusés. Avant eux, les peintres romantiques, dont Delacroix en 1836, le douanier Rousseau et plus tard en 1859 Courbet, avaient également été rejetés. Le Salon des Refusés s'organise alors avec l'appui de Napoléon III pour faire connaître ceux qui deviendront les grands peintres de l'époque, Pissarro, Fantin-Latour, Whistler, Jönkind et plus tard les impressionnistes. Ce Salon des Refusés connaît un grand succès, malgré les attaques des critiques, peut-être à cause des attaques des critiques, obligeant le Salon officiel à acheter 2 ans plus tard, sous les sarcasmes d'ailleurs, l'Olympia de Manet. La bataille entre l'art officiel, classique dans ses sujets, antiques et historiques, et peints en atelier, et la peinture contemporaine, peinte à l'air libre grâce à l'invention du tube de peinture, sur des thèmes d'aujourd'hui, fut redoutable, avec les tableaux de Monet, Degas, Cézanne, Renoir, Sisley, qui se rajoutent à la liste précédente, et qui expose le 15 avril 1974 chez le photographe Nadar. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans, écrira Louis Leroy dans Charivari. Un article intitulé « L'exposition des impressionnistes » où le tableau de Monet intitulé « Image vague du Havre » a fait sensation. C'est donc paradoxalement ce critique acerbe qui donnera son nom, l'impressionnisme, sans le vouloir d'ailleurs, à ce qui reste aujourd'hui l'un des grands courants de la peinture contemporaine, sinon le plus grand. C'est depuis le XIVe siècle que les salons privés étaient le lieu officiel de présentation des peintres et sculpteurs. L'Académie royale, mise en place par Lebrun et Mazarin, organisait, d'une façon plus large, la visibilité des peintres. Et depuis, rien n'avait changé, jusqu'à Napoléon III. Mais après le Salon des Refusés et ses polémiques, la Troisième République prend ses distances avec l'art officiel. Et le Grand Palais, construit en 1894, inscrit sur sa façade « Monument consacré par la République à la gloire de l'art français ». Poincaré en l'inaugurant pour l'exposition universelle de 1900, déclare « L'État n'est pas fait pour susciter des artistes, il a pour tâche de conserver ce que le mouvement de la société moderne pourrait bien laisser dépérir, de lutter enfin contre l'invasion de l'art par l'industrialisme, le péril, le fléau des sociétés riches et laborieuses comme la nôtre. » Les salons périclitent et c'est à cette époque que les marchands d'art apparaissent. François Mitterrand, bien plus tard, fut le dernier à inaugurer le Salon des Indépendants. Comment faire connaître le travail des artistes? Qui les choisit et en fonction de quels critères? Qui détermine le beau et le prix du beau? Qui choisit et fait connaître les artistes? L'État, les marchands, les collectionneurs, les grandes foires aujourd'hui? Comment déterminer ce qu'est une œuvre d'art, son prix ou sa postérité? Seul votre regard compte, cher auditeur. et c'est à vous de décider.